إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أخي أنا خير، بارك الله فيك. لقد باركم الله فيك، جزاك الله خير. نعم، فهذه الخطبة بارك الله فيكم هي متممة للخطبة التي قبلها. لسمان dernière on n'avait pas pu terminer la khutbah qu'on avait entamée. Aujourd'hui on va la compléter avec ce qui suit. ولنذكر الإخوة بارك الله فيكم والأخوات كنا قد انطلقنا بهذه الآية العظيمة، حيث يقول تبارك وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. On avait commencé cette khutba par ce verset-là, en disant, dans le sens rapproché du verset, que Allah subhanahu wa ta'ala défiait ceux qui prennent ou qui invoquent autre que Allah subhanahu wa ta'ala, سواء كان ملك أو نبيا مقرب أو نبي المرسل أو جن أو بزعم ولي أو إنسان أو بشر أو حيوان أو السماء شمس شجر حجر إلى آخره. الله سبحانه وتعالى il défie celui qui invoque autre que lui-même, que ce soit un ange rapproché, que ce soit un envoyé, un messager, que ce soit une personne quelconque, que ce soit un homme saint, que ce soit un animal, que ce soit le soleil, la terre, les étoiles, un arbre, une pierre. Mais ici, c'est surtout pour s'adresser aux hommes ou aux femmes. إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ. مِنْ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Parmi la croyance de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, men hum Ahl al-Sunnah wal Jama'a? Hum al-Sahaba, hum al-Tabi'un, wa al-Tabi'u al-Tabi'in, wa kullu man sara ala nahjihim. Et tous ceux qui ont suivi le chemin des pieux prédécesseurs, ce sont eux Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Tamassaku fi al-Sunnah wa ijtama'u 'alayha. Ils se sont cramponnés à la Sunnah. Ils se sont cramponnés à la Sunnah. Et ils se sont rassemblés autour d'elle. لهذا سموا بأهل السنة والجماعة. Il y a ce qu'on appelle le culte des morts. Le culte des morts. Mais ما عندنا le culte des morts. واحد ميت الله يرحمه. الميت الله يرحمه. ما ينفعش. ما ينفعش. لماذا الله يرحمه؟ الميت يستحق أنت. Le mort il a besoin de toi. C'est pas toi qui as besoin du mort, subhanallah. Il a besoin de toi comment? Il a besoin de tes dua. An tad'ua lahu. Fa muhtajun ila du'a'ik. Muhtajun ila sadaqatik. Muhtajun an tadhkurahu bil khayr. Il a besoin de toi. Par tes bonnes œuvres que tu vas faire, tes sadaqat. Par une invocation, dans le sens où tu vas faire des dua pour lui. Allahumma ghfir lahu. Allahumma arhamhu. اللهم تب عليه، اللهم ونسه في قبره، اللهم وسع قبره، اللهم نور قبره، إلى آخره. Il a besoin de ce dua à la mort. Ou alors c'est lui miséricorde dans sa tombe, agrandis-lui sa tombe, élimine-lui sa tombe, donne-lui de ta grâce, réconforte-le dans sa tombe. Il a besoin. Mais c'est pas toi qui as besoin de lui, subhanallah. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos du'as. Ils n'entendent pas vos du'as. Il y en a qui vont venir, vont te dire oui, mais attends. Et normalement, tu n'as pas le droit de venir me dire attends, quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. Quand Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à décréter, tu n'as pas le droit de parler. Tu es soumis ou tu ne l'es pas. Anna anta min alladhina qalu sami'na wa ata'na, anna anta min alladhina qalu sami'na wa asayna. Ou tu fais partie de ceux qui ont dit, nous avons entendu et nous nous êtes soumis. Ou bien tu fais partie de ceux qui ont dit, nous avons entendu et nous sommes insoumis. Subhanallah. Allah te dit, in tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Ils ne vous entendent pas. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala yukhatibuna. Hadi mudhakarat al-haqiqa. Là, on est en train de faire une petite révision vite fait pour ceux qui n'étaient pas présents la semaine dernière. Allah subhanahu wa ta'ala yusim al-kalam wa yaqul. ولو سمعوا دعاءكم احترفنا سمعوا دعاءكم او في كان في جون تونجي فوز انفوكاسيون سي كو لا سيت ما استجابوا لكم ان تفا ريبوند ان تفا ريبوند ا سيت ابل ان تفا فوز اكزوستي يا ما كي مونتي دير وي مي لو بروفيت عليه الصلاه والسلام كان تاي لا غزوا La raza de Badr, il y a eu dans les sites de Badr des morts qui sont tombés dedans, et le prophète alayhi salatu wasalam takallama ma'ahum. Anta dir rohak kima an-nabi sallallahu alayhi wasallam? Anta dir rohak place an-nabi sallallahu alayhi wasallam? Toi tu t'es mis au même pied d'égalité que le prophète alayhi salatu wasalam? Le fardon, on sait comme s'ils l'ont entendu, et effectivement ils l'ont entendu. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est avec tous les chiens qadir. Allah n'est pas capable de faire ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, Rabbi subhanahu wa ta'ala. Wa al-mufassirun qalu bi'annahum sami'u qawla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam indama sa'alahum hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Est-ce que vous avez vraiment rencontré ou trouvé ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous avait promis? En parlant des mushrikins qui sont morts dans Ghazwat al-Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des choses que lui peut faire et que nous on peut pas faire. Il y a des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui sont dévoilées que toi tu ne peux pas savoir. Hadha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ar-rasul mab'outh min Allah. Hadha al-umur khass bin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple on rencontre aussi des gens chez le maqabir, où est-ce qu'ils dirouluk l'oud, goudam al-qabr, ils goulouk bach hakdak l'oud madame hao khdar, yishbah fi hadha al-miyyid. ما يشفى لأن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم cette action que le prophète عليه الصلاة والسلام a fait c'est spécifique au prophète عليه الصلاة والسلام quand il a planté deux roseaux de bambou verts un quand il urinait il faisait pas attention il urinait n'importe comment il savait pas correctement pour sa prière et l'autre كان يأتي بالنميمة et l'autre il dit de la négligence donc le prophète عليه الصلاة والسلام a mis ses roseaux parce que lui le prophète عليه الصلاة والسلام il a vu ce que toi tu ne vois pas. Et tant que ces roseaux sont encore verts, le hadab est qu'il. Mais ça, c'est khas bin Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Pas toi et moi. Naam. Farabna sali redouaat. Ça se passe invoqué. Ça se passe exaucé. Wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum. On avait dit, mais je crois qu'il y a une chose qui n'était pas très claire la semaine dernière quand j'ai entendu l'enregistrement, c'est que j'avais dit, ceux qui sont dans les tombes, il y a deux catégories de personnes. Kenzouj, mu'min al-nas, fil qubur tawhum. Ken hadak liskat ala al-munkar, kan andu al-nas, atba' i'ish bil jiyub tawhum, yani bil suwar tawhum, bil flouz tawhum, kuma yirakhu yakhadimu kulti, huwaitin humain. خلصونا على بالكم انه يبدا يتفسوا عليه ويعطي له الدراهم وهو يعيش بالدراهم تاع الناس، ما يخدم ما يقدم حاجه للدين ولا للامه ولا للعمل ولا اي شيء، ويبقى غير يعيش هكذا. وكان هذاك اللي هو داري امام مسجد عالم من العلماء داعيه في سبيل الله مات، والناس راحوا للقبر تاعو يدعوه. هذا الامر يقالف لهذا تقول لك تحفظ يا سلوي كي الى في دي زادات il se prenait pour un chir et lui c'était pas un chir. Il avait des adeptes et ses adeptes, ce chir-là vivait avec les poches de ses adeptes. Il n'aura pas dit attention, quand je vais mourir, il ne faut pas venir autour de ma tombe et m'implorer. Il n'aura pas dit. Au contraire, il s'est tu. Lui, il est mort ce chir-là et les adeptes ils sont venus autour de la tombe et demandaient ya chir, maintenant toi tu es mort, tu es prêt d'Allah, donne-nous, guéris-nous, etc. Lui, il ne pourra pas dire au Yom al-Qiyama que ce que vous avez fait c'était du shirk. Moi je ne vous ai jamais dit de venir me voir après ma mort. Celui qui dira que ça c'était du shirk, c'est celui qui est banni. C'est quelqu'un qui est innocent. Il n'est même pas au courant de ce qui se passe. Il n'est même pas au courant de ce qui se passe. L'anna huwa fi alam akhar. Huwa fi alam al-barzakh. Il est dans un autre monde. Il ne t'entend pas, il ne te voit pas. In kana salihan fayatamatta' fi qabri. Si c'était quelqu'un de pieux, il est en train de jouir des bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné dans sa tombe. Tu crois qu'il est avec toi? Masha'Allah. Masha'Allah. Il n'est pas avec toi. Lui, Yom al-Qiyama, il dit que pour lui. Il dit là, moi je suis innocent, ya Rabbi. Ou Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, il le sait. Ça, c'était le verset qu'on avait vu la semaine dernière. On avait vu aussi un autre verset pour se rappeler un petit peu la mémoire. C'était le verset où Allah subhanahu wa ta'ala disait. ولا تدع من دون ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit clair, c'est clair. ماذا يقول؟ Il n'invoquait pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. ما ينفعك ما يضر. Et si tu le fais, tu seras alors des nombres des injustes. من الظالمين. ذنب نفسك فلوم نفسك ذنب نفسك لوم نفسك كنت تجي مالا توامام تخونز انتو كتوامام ما تجيش تستنسف على الناس تقول انا ما قالوا ليش ربي قال لك وانا ما كنتش نقرا ما نقرا نقرا عندك يقول الناس تسمع اسمعني ما شرحوا ليش ما كاش من هذه ما كاش من هذه سابي باليغ وابا Tu pouvais entendre. Tu n'as pas entendu le Coran? Ah non, j'ai pas entendu. Ah bah qu'est-ce que tu faisais alors? فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ. Et dans la suite de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Et si Allah sait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. C'est une épreuve. Ibtila min Allah, imtiha min Allah, bala, une épreuve quelconque, un fléau, un malheur t'attend. Personne ne pourra venir te l'enlever, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il veut qu'un bien t'atteigne, nul ne peut repousser sa grâce. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a écrit un bien sur terre, tu l'auras même si le monde entier est contre toi. Tu l'auras. Naam. Ça c'est هذه الآية كما لا يخفى تنبيه على أن المدعو لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه أو يبرئ بمن عصاه وليس ذلك إلا لله وحده. Et donc celui qui est en possession de pouvoir donner ou de priver, il faut que ça soit quelqu'un qui soit dans la capacité de le faire. Et en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le faire. Donc, ces qualités de pouvoir venir au bien ou pouvoir te préserver d'un mal, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le faire. Naam. فتعين أن يكون هو المدعو دون ما سواه. والآية شاملة لنوع الدعاء المشروع والمحرم. Et ce verset-là, comme d'autres versets, on voit bien ici qu'on n'a pas le droit de demander à autrui. Nous, on se répète. C'est vrai qu'il se trouve des fois, on se répète. Mais la répétition, elle est très importante. كم من الناس ما فهموا الكلام وكم من الناس ما سمعوا الكلام. Il y a des gens parmi nous ici, ils n'ont pas compris. Si toi tu as compris, si toi tu as compris, il y en a qui n'ont pas compris. Donc il faut qu'on se répète. Ça c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, il y a des gens ici, ils n'ont pas entendu. أما كان نائم, peut-être qu'il dormait. أما كان غائب, il était dans un autre monde. Son corps il est présent, mais son esprit il est loin, fait l'ahsabat par exemple, en train de faire des comptes. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que ma petite femme va me préparer ce soir? Elle est plus moi, elle est déjà en train de penser à ce soir. C'est même pas ce qu'il va venir jusqu'à ce soir. Alors attends, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec, ah ouais, j'ai rendez-vous avec le comptable. Ah, j'ai voulu prendre tel papier, oh là là, l'ahsabat. Pourquoi? Parce que dunya, dunya tlatna, tlatna dunya. Donc on est obligé de se répéter, de se répéter, de se répéter. La Allah, il se peut qu'Inch'Allah, cette petite étincelle, elle déclenche en nous la compréhension des textes divins. Naam. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَنَّ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ. Ici, c'est une question interrogative. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la réponse. Tu as déjà la réponse. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal? عندما تكون موسوس عندما تكون مقلق ربي سبحانه وتعالى وش يقول في القرآن والذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Et ceux qui ont cru avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs se tranquillisent. N'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Subhanallah. Quel neuf, là, il dit que là, je suis un musicien. J'ai le musicien, on se marche bien. On... Quand je mets de la musique, ça me fait du bien. Moi, je vais écouter un peu de musique, ça me fait du bien. Masha'Allah. Sur ce shaitan qui fait Yafoum, vous avez vu comment le shaitan il est rentré? Pour les francophones, ils vont écouter, musique sentimentale ou la marla badish. Et pour l'arabe, ils vont écouter une kelpoum. Une kelpoum, waouh! C'est une grande chanteuse, quelqu'un qui avait de la poésie, c'est quelqu'un de... Masha'Allah. Rabbi yaqul walladina amanu tatma'innu qulubum bi dhikrillah, wa tadkhulu lillah bil musiqa. Shuft bu'dana 'ala ad-din. On est très éloigné de la religion. On est très éloigné. Faut pas croire, hein. C'est pas parce que les mosquées sont remplies. Mais le prophète alayhi salatu wa sallam, il l'a dit. C'est pas parce que les mosquées sont remplies que ça veut dire que ça y est, on est arrivé. Quand on sera au paradis, on sera arrivé, Inch'Allah. En Macédonia, on a encore beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves à passer avant la mort. Beaucoup. Na'an. Amman yujibu al-muttara idha da'ah. Wa yakshifu as-su'. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal? Ay man huwa alladhi la yujibu al-muttara illa ilayhi. Wa alladhi la yakshifu ad-dharra al-mudhirin siwa. Wa min al-ma'lum. أن المشركين أن المشركين المشركين ذو قريش كانوا يعلمون أنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الله وحده. المشركين ذو قريش ils savaient que le seul qui était capable de résoudre les problèmes, d'enlever les fléaux, les épreuves, c'était qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala يقول فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذ هم يشركون. سبحان الله. لماذا لا نعتبر؟ ليش نقرأ القرآن ومنقص الفطر فيه؟ إلى متى؟ إلى متى بارك الله فيكم؟ وما تقولش باللي السفر بعيد. Ne dis pas que le voyage il est loin. Le voyage est tout proche. Qui de nous sera là la semaine prochaine? Qui de nous sera là le mois prochain? Qui de nous sera là l'année prochaine? Allahu a'lam. Le voyage est très proche. عندما نسأل يوم القيامة كم لبثتم? Combien de temps vous avez vécu sur terre? لبثنا يوما أو بعد يوم. Le Coran, كلام الله. Combien de temps avez-vous passé sur terre? Qu'est-ce qu'on répondra? Tous ici présents le dira. La bisna yom en obar d'ayom. Nous avons vécu un jour ou bien... Même pas un jour. الله أكبر. كم عندك في عمرك؟ أنا عندي 80 سنة. وأنت كم عندك؟ أنا 90 سنة. وأنت 70 سنة. 70 سنة دو في يوم وبعد يوم. هل شفت السنون فاتوا والشهور فاتوا؟ اسكم رزاق يجلي. اجلس اجلس بارك الله فيك. بركة نقولها بارك الله فيك. اجلس أنا بقى اجلس. أي معا. تقربوا إلى الأمام بارك الله فيكم. تقربوا. فد الله فيكم فاصطبوا بارك الله فيكم. أغبوا شيء بودي ذاكم الله بخير. Est-ce que vous les avez vus passer ces années-là? 70 ans de vie? 80 ans de vie? 90 ans de vie? Ramsatou Aïm. Un clin d'œil. Va poser toi la question à un vieux, un Chibani. Quand vous sortez, salam et formateur, vous voulez que sana. Ou que vous sana, je suis comme qui t'a fait tout? Vous voulez que vous le dites, Wallah, moi je suis comme ça tout. La ilaha illallah. Ici, dans ce deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand ils montent en bateau, aïe les mouchriquines, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte, mais shirkouf billah. Une fois qu'il les a sauvés sur la terre ferme, voilà qu'il leur donne des associés. Rabbi sallakhum, on a déjà, hein. Huma kharjum illa as-safina. ولو كما كانوا ولا يشركوا بالله كما كانوا المشركين على بينهم بل يشكون هو الخالق هو الله هو الرزاق والمحيي والمميت على بينهم ربي بين لنا هذه الأمور غير باش احنا ما نتقنوش كما هادو الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يشرح القرآن ويفسر لنا القرآن من خلال أحاديثه باش ما نكونوش هنا كما هذو السلف من الناس. كنت الله سبحانه وتعالى يندان في ميساج. كان اللي تبي تجي الميساج. ربي سبحانه وتعالى يتكلم معنا غير هكذاك. لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم معنا غير هكذاك. بس كذا بدي تعطيها. لا. انتبهوا بارك الله فيكم. نعم. اي من هو الذي لا يلجئ المضطر؟ اي نعم. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذ هم يشركون فتبين إذن أن من يعتقد في غير الله أنه يكشف السوء أو يجيب دعوة المضطر غيره عز وجل كان شرا من أصحاب الجاهلية الأولى celui qui aujourd'hui à l'époque où nous vivons il a cette croyance que de dire que celui qui pourvoit aux besoins ou qui enlève un mal ou un fléau autre que Allah subhanahu wa ta'ala il est pire que les mouchriquins de l'jahiliyyat الأولى. Pourquoi? Parce que l'islam il est arrivé à toute part. Le prophète alayhi salatu wasalam il t'a traduit le Coran. Il te l'a expliqué. Shrah lak al Coran. Wa ad-din. On t'a mazat al ba'fi. Entendez, barakallahu fikum. Entendez. Le jahil, qabla bi'athati an-nabi sallallahu alayhi wasalam, jahil. Hada fi qissa tawila. L'ignorant avant la venue du prophète alayhi salatu wasalam, c'est une longue histoire. Le prophète alayhi salatu wasalam vient, il a rétabli les choses, il a remis les pendules à l'heure. Nous aujourd'hui, on a le message, on a le Coran, on a le Sunnah, et on fait des choses pires que les mouchriquins de Quraysh. C'est grave, Allah, c'est grave. Naam, kana sharran min ashabil jahiliyyati al-ula allati ja'a al-islam. ليمحو وللقضاء عليها أي على الجاهلية عليها ولذلك تجد نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه العباس صريحة في حصر القدرة والتيسير لشؤون هذا الكون وحالات الناس أنها في يد الله عز وجل القصاد عليه الصلاة والسلام إلى دين إلى دين ابن عباس إلى يستكي التوحيد إلى يستكي العقيدة Il lui a expliqué le chemin à suivre. Quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu pries pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu jeûnes, c'est pour Allah. Quand tu jures, c'est par Allah. Nuqtatan, barakallahu fik, deux points essentiels. Nuqta l'oula, nous sommes à l'oula, nous sommes à l'oula, nous sommes à l'oula, nous sommes à l'oula, nous sommes à l'oula, nous sommes à l'oula, nous sommes à l'oula, nous sommes à l'oula, nous sommes à l'oula, وراس يما العزيزة وراس ولادي، هذا الشرك بالله. بارك الله فيكم. إذا كنت حبي التحلف قل والله، ما تقولش وراس باب العزيز ولا وراس يما ولا وراس ولادي. Laisse ton père, ta mère tranquille, laisse tes enfants tranquilles. Ne jure pas toujours ta tête de mon père, toujours ta tête de ma mère, toujours ta tête de mes enfants. Non, tu jures Bismillah. Sinon, tu jures pas. Hadi nokta l'oula. Wa nokta akhtar min hadi. Il y a encore un point encore plus important que le premier, bien que les deux sont importants. Nasma'u kathira min an-nas yad'una ala awladihim. Yad'una على أولادهم. ما معنى هذا الكلام؟ كيف دير يدعون على؟ تسمع بزاف ناس وخاصة الأمهات، أيها الأمهات إن كنتن تسمعنا فاسمعنا جيدا بارك الله فيكن. Ce message s'adresse aussi surtout et à vous en particulier. C'est que les mères, quand elles s'énervent contre leurs enfants, elles font des doigts contre leurs enfants. Inch'Allah, yafik l'accident. ان شاء الله يعطيك واحد المرض ما تنقص جامل هذا المرض، ان شاء الله يعطيك بومبا تسجل. ماذا هذا؟ sous prétexte que les enfants qui sont petits et qui ne comprennent pas ont tenu avec العقل tu fais des doigts contre tes enfants parce qu'il t'a énervé. Et après المصيبة العظمى، المصيبة العظمى، هل انت داري بوقت استجابة الدعاء؟ est-ce que tu sais à quel moment les doigts vont être exaucés؟ سبحان الله، faites pas de dua contre vos enfants. Vous ne savez pas quand ça que les portes de la dua sont ouvertes. Allah يعطيك l'accident, inshallah. Deux mois après, il a un accident, il est mort. فبقت تندب. Mais هي نسات بلي هي اللي دعات عليه. Elle oublie que c'est elle qui a fait cette dua là. Et que Allah il a exaucé la dua. يا ولدي وجديت وكيف تربط ولوطو l'accident الى اخره. Qu'est-ce qu'il a dit عليه؟ C'est toi qui as fait des invocations contre ton fils ou ta fille. Faites attention, barak Allah fikoum. Même t'es nerveux, akhbat al-hayt, c'est pas, mais fais pas des invocations contre tes enfants, barak Allah fikoum. Combien de gens les a vus? Des accidents handicapés, des accidents ils sont morts, l'aulad heblou, kharzim al-dar, sabab du'at al-walidin. À cause quoi? L'invocation des parents. Amma tad'u li-awladika, hada shay akhar. Maintenant que tu fais des doigts pour tes enfants, c'est quelque chose de bien, et c'est quelque chose de recommandé. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، قال المحققون في التفسير من أهل السلف في قول تعالى وعلى رب يتوكلون. Les plus prédécesseurs, les savants des plus prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils ont dit concernant ce passage-là du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit وعلى رب يتوكلون et que les croyants ne comptent que sur leur Seigneur. أي لا يرجون سواه. Ils n'espèrent qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يقصدون إلا إياه. لا يقصدون إلا إلا quand ils demandent, ils demandent que par Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يلوذون إلا بجنابه ولا يطلبون الحوائج إلا منه ولا يرغبون إلا إليه ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. Et ils savaient que ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, ça s'exauce. Et là, ce qu'il ne veut pas, ça ne s'exauce pas. Mais nous, maintenant, quand on va utiliser le mot vouloir, hal Allah subhanahu wa ta'ala mahtaj? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il est dans le besoin pour vouloir? Nous, à notre niveau intellectuel, pour qu'on puisse comprendre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça qu'on s'adresse. Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas mahtaj, il n'est pas dans le besoin. C'est celui qui est dans le besoin qui veut la chose. Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas dans le besoin. Il faut bien comprendre ce petit point-là. نعم وما لم يشاء لم يكن وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ولهذا قال سعيد بن جبير التوكل جماع الإيمان ذكره العلماء في التفسير. التوكل سيلة وشطال. التوكل على الله سيلة وشطال. C'est normal. Tu crois en ton Seigneur. Tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu demandes à Allah, tu demandes à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. هل اكتمل إيمانك؟ ما اكتمل إيمانك؟ وما نفع إيمانك؟ لو نفعك إيمانك ما ذهبت لدعوة غير الله سبحانه وتعالى. Si ta foi elle était profitable, tu n'aurais pas demandé à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. إياك وانتبه بارك الله فيك. الأمر خطير. نعم. وقال تعالى أَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَةٌ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. هذه الآية مأخوذة من سورة ياسين وتقريبا كلكم تعرفونها. هذه الآية مأخوذة من سورة ياسين. سيفر سراكم يا دلسيتي في إلي تخيد سورة ياسين. إلا في بعض أنكم ويسي تخيزان وليزي توس سورة ياسين ولا في بعض بيان سور. إذن سيفر سينا ولدي لي كيف كي ندي الله سبحانه وتعالى ياسين. Il nous dit, par rapport à celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, Tabran, prendrais-je en dehors de lui des divinités? S'il est tout miséricordieux, ne veut du mal. Et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, kullu ma ya'ti min Allah, fa huwa khair. Tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bien. Même si toi, à tes yeux, tu crois que c'est un mal. Na'am. Donc on a dit, le tout miséricordieux ne veut du mal. Leur intercession ne me servirait à rien. Et ils ne me sauveront pas. Subhanallah. Elle dit, « Chalmin khatra naqraou fiha. Chalmin khatra naqraou fiha. » Wa qala al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi du'aihi, « Allahumma la mani'a lima a'tayt, wa la mu'tiya lima mana'a, wa la yanfa'u dal jid min kal jid. » Et dans cette du'a que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam faisait, nul ne peut repousser ce que tu as décidé de donner, ni donner ce que tu as interdit. Les richesses et la grandeur, la richesse et la grandeur ne serviront à personne, car c'est toi qui les accordes. Et non. Wa fil khitam naqulu hadha al-qawl wa intabihu jayidan barakallahu fikum fi hadith al-qudsi wa huwa tawil. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala Allah tabaraka wa ta'ala فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. الله سبحانه وتعالى dans ce hadith qudusi, qu'est-ce qu'il dit? Que celui qui trouvera le jour du jugement dernier le bien, il fera des louanges, il remerciera, il dira Alhamdulillah, MashaAllah. On m'avait promis le bien, et j'ai fait le bien comme on me l'a demandé, Alhamdulillah, je suis content. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. Et celui qui le trouvera autre que le bien, il ne devra s'en prendre qu'à lui-même. Il ne devra pas prendre qu'à lui-même. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوسلنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوسلنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم الحساب. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرحم موت المسلمين. اللهم اشف مرض المسلمين. اللهم احفظ الأحياء من المسلمين والمؤمنين. اللهم احفظهم واسترهم انك انت خير الستارين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.